Vous êtes étudiant? Oui. Non. Enfin, je l'ai fait. Je suppose que je suis toujours étudiant. Mais en ce moment, je n'étudie pas. Je viens de quitter l'université après 2 années d'études. J'ai décidé de me mettre en congé pour 1 an. Tiens, vous êtes mis en congé. Vous prenez un an de vacances, comme ça. Comme c'est commode. Quelle bonne idée. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à ça? Mais pourquoi est-ce que vous vous êtes mis en congé? Pour me trouver. Pour vous trouver? Pauvre petit, vous étiez perdu. Vous moquez de moi? Moi, jamais. Je ne moque jamais de personne. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « je veux me trouver » ? Eh bien, je veux réfléchir. Je veux faire le point. Je veux voir où j'en suis. Je veux découvrir ce que je veux vraiment faire. Savoir si je veux continuer ou faire autre chose. Je suis toujours étudiant, mais en ce moment, je n'étudie pas. En ce moment, je n'étudie pas. Je suis toujours étudiant, mais en ce moment, je n'étudie pas. Est-ce que Robert est étudiant? Oui, mais en ce moment, il n'étudie pas. Je viens de quitter l'université. Je viens de quitter l'université. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de quitter l'université. J'ai décidé de me mettre en congé pour 1 an. J'ai décidé de me mettre en congé. J'ai décidé de me mettre en congé pour 1 an. Comment a-t-il pu faire ça? Il s'est mis en congé pour 1 an. Ah, comme c'est commode. Comme c'est commode. Qu'est-ce que Mireille pense de cette idée? Elle pense que c'est commode. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis en congé? Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis en congé? Pour me trouver. Mais pourquoi est-ce que Robert s'est mis en congé? Pour se trouver. Vous vous moquez de moi. Ah, vous vous moquez de moi. Moi? Jamais. Je ne me moque jamais de personne. Je ne me moque de personne. Je ne me moque jamais de personne. Est-ce que Mireille admet qu'elle se moque de Robert? Non. Elle ne se moque jamais de personne. Je veux réfléchir, je veux faire le point, je veux voir où j'en suis. Je veux réfléchir. Je veux faire le point. Je veux voir où j'en suis. Qu'est-ce que Robert veut dire par se trouver? Réfléchir, faire le point, voir où il en est.